Le groupe de visite dans la patrie des Coréens résidents au Japon, conduit par Park Hae-chul, chef adjoint de département du présidium du comité central de la Chungnyeon, Association générale des Coréens résidents au Japon, est arrivé à Pyongyang par vol le 10 courant. Le même jour, il a déposé un bouquet de fleurs devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de s'incliner devant.